est-il un ordre pour le peuple? Oui, à l'exclusive condition que le peuple le déclare ordre. Mais lui ne peut pas s'instaurer ordre, sinon il risque de s'instaurer ordre en étant récupéré par son anti-homme. Autrement dit, l'orgueil peut lui donner du pouvoir, alors qu'il devrait simplement exprimer de la puissance. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que je nuancie en tant que pouvoir et puissance, celui qui est riche a une puissance. Il peut créer de l'emploi, il peut acheter une terre, il peut bâtir des maisons, il peut faire des choses. Celui qui est riche et qui s'empare de bijoux, qui se promène partout, puis qui crie partout, puis au nom de sa richesse vient écraser les gens, sa puissance est devenue du pouvoir. Un gouvernement peut être puissant parce qu'il protège, parce qu'il aide et parce qu'il entretient. Il a du pouvoir et il transforme cette puissance en pouvoir lorsqu'il devient un tyran, lorsque c'est nécessaire que les autres le sachent. Celui qui a des gros bras est puissant. Pourquoi? Parce que si tu es pris dans la neige, il peut te pousser. Celui qui a du pouvoir au lieu de la puissance, il aura les mêmes bras. Il marchera comme ça, lui. Puis il viendra pousser, puis il aura les camisoles coupées court, puis bref, il s'organisera pour que tu le saches. Ça ne veut pas dire que tu sais qu'on est c'est du monde puissant. Pour vous, encore, qui ont du pouvoir. L'anti-homme nous tient en vie, mais il veut quitter. L'anti-homme nous tient en vie et il fait tout pour rester là parce que nous le tenons en vie. L'anti-homme fait tout pour ne pas nous quitter. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'être humain a des problèmes à évoluer, mais en même temps, l'anti-homme est là pour l'empêcher d'éclater l'humain. L'anti-homme est là pour supporter son évolution, l'anti-homme est là pour l'animer, l'anti-homme est simplement là pour obliger l'humain à être assujetti à une évolution collective, à une évolution qui souvent prend le caractère de spirituel qui voudrait dire « en relation avec l'esprit », mais qui bien souvent veut dire en relation avec l'ego. Oui. OK. L'ordre, c'est un genre d'organisation divine, si je comprends bien, là. Moi, j'aurais deux questions. Qui contrôle les ordres? Puis comment rentrer en contact avec eux? Eux, non. Est-ce que quelqu'un contrôle les ordres? Est-ce que quelque chose ou quelqu'un contrôle les ordres? C'est compliqué de mettre le mot. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus des ordres? Oui. Qui contrôle, enfin, les ordres, on peut les transcender, ça va de soi. D'ailleurs, c'est l'évolution de l'homme. À un moment donné, c'est l'homme qui contrôlera les ordres. Et c'est évident que l'ordre est intéressant. On peut parler des ordres religieux, qui sont une forme d'ordre aussi, qui sont absolument essentiels, et qui vont être contrôlés quand même par la personne qui va fonder l'ordre, donc par un humain. Qui dirige les ordres? Eh bien, c'est un phénomène qui, ésotériquement, porte le nom d'énergie divine. Théologiquement, on parle aussi d'énergie divine. Les mots, ce sont des mots. Alors, il y aurait l'énergie divine qui a la faculté d'intentionnaliser l'acte. Il y a l'énergie bouddhique, plus basse, donc un refroidissement, qui a la faculté d'aimer, donc de rallier les choses du point de vue d'une attraction, l'amour intelligent. Et il y a plus refroidi le plan supramental, qui théologiquement s'appelle aussi Esprit Saint, qui aurait la faculté, lui, d'obliger la mécanique évolutive des choses, ce qu'on appelle l'intelligence. Et ce sont les cieux. Alors, il y aurait ce qu'on appelle le Père théologiquement, il y aurait le Fils, l'amour, ou le plan bouddhique théologiquement, il y aurait l'Esprit Saint, l'intelligence supramentale, l'intelligence instantanée, on revient à la même chose. Ce sont les cieux, ce sont des mécanicités qui ont la faculté de régir ce qui est plus bas. Ce qui est plus bas a un caractère terrestre. Même si on parle d'autres planètes, ce sera le même genre de caractère. Alors, il y a les copies conformes des cieux dans le ciel planétaire. Alors, il y aura la haute spiritualité qui sera une correspondance du plan divin. Et bien souvent, l'homme ou la femme qui prie Dieu dans le ciel plutôt que de s'adjoindre Dieu dans les cieux. Il y a un peu plus bas la correspondance du plan de l'amour qui fait partie encore de l'astral planétaire et qui va être l'expression du besoin, de la dépendance, de la jalousie, de la honte, de la colère, de la haine, et c'est l'amour psychologique. L'intelligence, elle est représentée dans le monde planétaire par l'énergie vitale et l'énergie matérielle. C'est pourquoi l'intelligence, donc, le plan supramental. C'est pourquoi dans l'évolution, je dis souvent que celui qui s'en égoïse crée un double éthérique, un double de son corps dans l'énergie moroncielle, qui est de l'énergie vitale. Et l'énergie supramentale, c'est la même chose que l'énergie vitale, l'énergie éthérique planétaire, l'énergie éthérique supramentale ou extraterrestre. Qui contrôle les ordres? Les ordres font partie de la copie conforme des cieux dans le ciel. Alors, il y aura des ordres qui seront divins, mais qui ne sont pas Dieu. Il y aura des ordres qui seront bouddhiques et qui ne seront pas quelque chose relié à ce plan bouddhique. Il y aura des ordres qui seront intelligents, une logistique mécanique, Jéhovah en est. Et ils ne seront pas la copie, ils vont être une copie, mais ils ne seront pas l'exactitude supramentale. Comment pouvons-nous parvenir à entrer en contact avec ce qui est au-delà des ordres? Bien, nécessairement, il faut apprendre à entrer en contact avec une expression qui ne provient pas du plan planétaire. Donc, on en revient encore à sa fête. C'est-à-dire qu'on doit parvenir à appliquer de l'intelligence sans que l'intelligence ait passé par les mains des nôtres avant. Et là, on entre en contact avec le plan divin, bouddhique, supramental. Le plan supramental permet à l'humain d'amener des choses neuves, des choses donc qui sont de première main, du point de vue planétaire. Il pourra se renseigner à autrui, mais il pourra avoir une compréhension vibratoire qui lui appartiendra. Il sera dans son intelligence. Le plan bouddhique, le plan divin, c'est le même phénomène. Si tu dois faire une chose parce qu'un ordre céleste ou un ordre planétaire quelconque te l'oblige, c'est que tu ne comprends pas la loi. Donc, nécessairement, tu appliques quelque chose qui doit être appliqué, mais qui est passé à travers les mains de d'autres. Si tu engendres une chose neuve ou si tu trouves intelligent de faire ceci et que tu le fasses parce que tu le trouves intelligent, ce n'est pas de seconde main, ça provient de toi. C'est un peu comme maintenant, on essaie de dépasser l'astral, mais une fois rendu là, il faut falloir dépasser les ordres aussi. Oui, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre conscience qui s'éveille doit mettre sa tête dans un monde supérieur à l'astral, donc au ciel, au monde de la mort. Par contre, il ne doit pas détruire l'astral parce qu'il en a besoin. On doit aller rechercher différents paliers, et dans les cieux, on a une correspondance, une trilogie, qui théologiquement s'appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais qui porte aussi le nom de plan divin, plan bouddhique et plan supramental. Et l'énergie supramentale est présentement celle qui est le mieux absorbée par l'humain, et surtout par le Québécois à l'heure actuelle. On doit aller chercher ces plans tout en conservant une âme qui deviendra totalement pure, plus d'ego, plus de mémoire intérieure, plus de désir et d'émotion, et c'est là que tu accompliras, du point de vue de l'âme, la volonté du Père, mais en réalité, tu accompliras ta volonté. Elle sera donnée à l'âme, qui est le réceptacle de la nounou et du maître d'âme. Tu dois avoir un corps vital pour entretenir un corps physique, la vie. Lorsque ces plans-là sont réunis ensemble, eh bien, nécessairement, tu les fonds dans un et tu n'es plus là. Donc, si on contrôle les ordres, on devient Dieu? Non. Tu es Dieu et nécessairement, ta fonction sera de contrôler les ordres. OK, merci. Mais présentement, les ordres te contrôlent parce que tu es encore jeune. C'est simple. J'ai entendu dire que vous donnez un séminaire. Où se situe-t-il par rapport aux ordres? Le séminaire que je donne, c'est une façon plus densifiée. Il y a des personnes qui me suivent en conférence depuis déjà quelques semaines et il y a des mots qu'ils ne comprennent pas ou il y a des gros concepts qu'ils ont vibré un peu à une conférence puis rentrent chez eux, ils ne savent plus en tout de quoi j'ai parlé. Hein? Bon. Alors, le séminaire, ça, par rapport aux ordres, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire, ça a un certain état, c'est-à-dire que je permets, on fête ensemble, si vous voulez, ça c'est le séminaire. On fête ensemble. Bon, il y en a qui fêtent plus que d'autres. Mais une fois qu'on a fêté, bien nécessairement, on peut dire, j'ai maintenant un tel âge. Passer un peu plus haut. Alors, on comprend des mécanicités. Lorsqu'on a un paquet de questions qui nous sont amenées par, justement, le fait qu'on approche de notre fête et qu'on ne trouve pas où répondre, ou bien je m'arrange pour que celui qui fait le séminaire y réponde lui-même, parce que l'humain est pas mal plus capable de se répondre qu'il le pense, bien, la nounou fin de te dire que tu peux pas. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te rendes compte que tu puisses, ou bien je réponds simplement. Alors, on fête ensemble. Quelle différence entre les termes satanique et luciférien? Lucifer est une parcelle de lumière. Pour ceux qui savent un peu ce que veut dire Lucifer, c'est porteur de lumière. Alors Lucifer, c'est le même phénomène, c'est un ordre. Un ordre absolument essentiel, et chaque parcelle de l'humain sur la planète Terre a une flamme luciférienne. La flamme luciférienne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, Lucifer, théologiquement, a été implanté sur la planète Terre parce qu'il a voulu aider l'homme à s'en aller plus rapidement. Alors, il a évidemment mélangé un peu le plan de Dieu. Mais si Dieu, dans la conceptualisation théologique, est parfait, donc Dieu a permis à Lucifer de faire sa fonction, même si ce n'est pas dit clairement. Lucifer, c'est la partie de l'homme qui veut évoluer. Elle veut s'en retourner. Et c'est ce qui fait que l'humain n'oublie jamais qu'il doit évoluer. Et ça engendre nécessairement l'orgueil chez l'homme, la puissance qui devient pouvoir chez l'homme. Ça engendre un paquet de problèmes, ça va de soi. Le phénomène satanique, lui, est un phénomène qui est engendré par une autre force qui provient de la planète Terre et qui assujettit l'humain à son corps physique. Donc, qui va amener l'humain à avoir les plaisirs de manger, les plaisirs du sexe, les plaisirs de jouir de son corps, donc de jouir de la vie, pour la simple raison que c'est ce qui, en contrepartie des mécanismes lucifériens, vont garder l'homme sur la terre pendant que Lucifer lui fait rappeler qu'il doit monter. Pas de Satan, tu montes et tu manques ton coup, parce que le rôle de l'homme, c'est de ramener la matière vers la création. Et pas de Lucifer, eh bien, tu finis par être un animal tout à fait biologique qui oublie totalement sa conscience évolutive. Vous savez que lorsque, à un moment donné, des énergies vibratoires ont dû descendre dans la matière pour aller récupérer la mémoire du temps, un peu compliqué ce que je dis là, mais disons simplement que lorsque de l'énergie divine a dû devenir humaine, ce n'est pas toutes les parties de Dieu qui ont accepté d'être humain. Et c'est pourquoi l'homme a tant vénéré le Nazaréen et le Christ, parce qu'il constatait que le Christ s'était fait chair et merde, c'est quelque chose. L'affaire, c'est que vous avez fait la même chose, mais un peu plus avant. Alors, vous ne vous en rappelez pas. Alors, quel est le danger pour une conscience divine de devenir humaine? Simplement, c'est d'aimer ça. C'est ça qui est le danger. Alors, lorsque l'énergie divine devient humaine, elle peut aimer ça. Et si elle aime ça, eh bien, elle reste matière. Et ce n'est pas le rôle de l'énergie divine de rester de la matière. Alors, il y a donc une mémoire qui peut faire souffrir l'humain, qui, dans la matière, lui rappelle continuellement qu'il est fils de Dieu. C'est le terme employé pour que l'humain comprenne. Fils, bébé, ben, c'est la même chose. Mais à un moment donné, dans ce monde créationnel, tu prendras ta place. Alors, il y a donc la partie luciférienne qui anime l'humain pour qu'il évolue et qui engendre la problématique de l'orgueil, de l'évolution et un paquet d'autres choses. Et le phénomène satanique qui t'oblige à aimer manger, aimer jouer, aimer écouter de la musique, aimer faire l'amour, aimer, etc., pour que tu conserves les pieds à terre. Lorsque Satan domine, t'es mal pris. Lorsque Lucifer domine, t'es mal pris. Qui doit dominer? Le maître de Satan et le maître de Lucifer. Et c'est, premièrement, l'énergie christique, l'intelligence supramentale, et ça anime déjà les personnes du Québec. Le prince doit assumer qu'il est un prince, malgré la jalousie du peuple et les gens qui le tirent par en bas. Le prince a-t-il le devoir de s'assumer, même si le peuple doit être éliminé? Oui, à l'exclusive condition que le prince ne s'occupe pas d'éliminer le peuple. Qu'est-ce que le peuple? Bon, on prend des mots, on fait des parallèles, alors à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on fait des parallèles. Le peuple, c'est nécessairement le phénomène des ordres. C'est la mécanicité qui permet au prince de devenir le roi, qui va l'instruire. Un roi sans peuple n'est pas un roi, vous savez. Allez-vous-en dans le désert, puis mettez-vous une couronne sur la tête, ça va être réglé. Sauf que vous allez devoir quand même cultiver, labourer, marcher, boire de l'eau, dresser le chameau. Vous allez être le peuple et le roi. Bon. Alors, le prince doit s'assumer, et il n'aura pas le choix, il s'assumera. Sauf qu'en attendant, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en transformation, vous n'avez pas le choix. Mais le problème, c'est que vous souffrez d'être en transformation dans la majorité des cas. Et on peut éliminer ça. De quelle façon? Eh bien, en traversant ce qui, au niveau de l'ordre, elle doit être inférieure. Et ici, la personne demande si je dois obligatoirement m'assumer en tant que roi ou que prince, puis-je détruire ce qui me nuit? Dans certains cas, ça va se faire, mais ce n'est pas votre travail, ça va se faire toi-même. La nounou va se suicider. Mais ce n'est pas vous qui allez lui suggérer de se suicider. Celui qui monte ne pense jamais à détruire ce qui l'empêche de monter. Pour la simple raison que celui qui arrive à monter malgré qu'on l'empêche a de la puissance, et il est. Celui qui, par contre, doit détruire, c'est exactement comme si vous vous dites, « Moi, je ne suis plus collectif. Je ne vais plus voir personne. » Ben, effectivement, tu n'es plus collectif. C'est-à-dire qu'en réalité, tu ne vis plus l'expérience de ton collectivisme. La journée qu'on te met dans quelqu'un, tu reviens collectif. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis les autres, comme ça, tu n'es plus collectif. C'est faux. Il y a le danger. La personne, ce qu'elle a à faire, c'est de faire ce qu'elle vit, de fonctionner, de monter, de grimper, et le reste va nécessairement suivre son cheminement. Il y a des ordres qui vont aider, qui vont vous aider dans l'étape ascensionnelle où vous êtes rendu, et qui vont lentement s'occuper. À un moment donné, si votre intelligence est tellement confortable que la nounou continue à vous achaler, mais que vous n'avez pas encore la puissance de lui dire, le maître d'armes va aller lui dire un mot. Peut-on s'abandonner au nom libre-arbitre ou ordonner à la nounou pour avoir l'illusion d'un libre-arbitre? Bon, je vais essayer d'expliquer une chose qui est très difficile à comprendre. Une chose que, bon, on en parle souvent au niveau du séminaire, mais même là encore, ça prend un certain temps pour comprendre. Il n'y a pas de destinée individuelle. Il n'y a que de destinée collective. L'ensemble des gens est manipulé collectivement, pas l'individu. Si un être humain doit mourir dans une banque suite à un vol, parce qu'il y a un karma social qui va être payé, parce qu'il y a de l'instruction sociale à faire, quelle que soit la raison intelligente sous-jacente à l'acte, un humain devra mourir. Qui? Ça n'a aucune importance. Mais un humain devra mourir. Et ça, l'humain n'arrive pas à comprendre l'idée. Vous avez une Lada comme automobile. Et il doit y avoir des personnes qui auront des Lada. Vous avez une Rolls-Royce comme automobile et il doit y avoir des personnes qui auront une Rolls-Royce. Qui aura la Lada? Qui aura la Rolls-Royce? On s'en fout. Cosmiquement, on s'en fout. Mais quelqu'un les aura. Ça peut être n'importe qui parmi vous. Ça dépend simplement où vous allez arrêter, qu'est-ce que vous allez apparemment choisir et où vous allez vous connecter. Le libre-arbitre, qu'est-ce que c'est? Le libre-arbitre, c'est simplement l'expression que vous ne changerez rien à l'état des choses. Il y aura des Lada et des Rolls-Royce. Tu veux plus qu'il y ait de Lada, cosmiquement, il doit en avoir. Il y en aura. Est-ce que c'est nécessaire que tu aies posé tes fesses dedans? Ça, c'est autre chose. L'âme n'a pas de libre-arbitre. Si vous avez des problèmes, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Comment trouver ma place? C'est une grosse problématique qui ne s'explique pas en conférence. Mais l'être humain doit finalement s'arranger pour que... Vous avez... Regardez ceci. Il y a de la boue dans un sentier et l'autre sentier est sèche. Vous ne connaissez pas la boue, vous n'avez pas la conscience de la boue, vous n'avez même pas la conscience de la saleté. Oh, quel que soit le chemin que vous allez prendre, vous allez être heureux. Mais en évoluant, vous devenez conscient de la saleté et conscient de la boue. Alors là, si vous marchez dans la boue, vous allez souffrir. Votre fonction, c'est quoi? C'est simplement de prendre le chemin qui est sèche. Le problème, c'est qu'étant collectivisé par les ordres qui, dans le premier plan, vous collectivisez pour vous faire évoluer, eh bien, on va vous dire, « Hey, les autres, ils passent dans la boue. » Alors, vous allez vivre la pitié, vous allez vous projeter dedans, vous allez dire, c'est vrai, il faut que je les aide à ne pas passer là. À gang qui sont, ils vont vous traîner dans le bout avec eux autres. Et là, vous continuez à souffrir alors que le chemin serait facile. Parce que vous avez de la conscience, vous souffrirez de la boue. Mais ne pensez pas que ceux qui n'ont pas de conscience souffrent de la boue. Les personnes qui sont pauvres et qui ne le savent pas sont aussi riches que vous. Sauf que parce que vous avez une conscience autre, vous souffrez pour eux alors qu'ils ne souffrent même pas. De toute façon, ils n'ont pas besoin de souffrir. D'autres s'en occupent. Le libre-arbitre, c'est la même chose. Devons-nous nous abandonner ou non au libre-arbitre? Non. À l'instant où vous avez la faculté de fêter, et comprenez ce que je veux dire par fêter, À l'instant où vous avez la conscience de fêter, fêtez. C'est maintenant permis. Vous ne pouviez pas fêter avant de comprendre. C'est simple. Vous allez fêter un jour. Quand ça va être le temps. Et le temps, ça va être quand? Ça va être quand vous allez fêter. Il y a une chose qu'on dit souvent et qui est tout à fait vraie, qui est encore difficile à comprendre. Ce que je dis là, comme je répète, peut être un peu complexe. C'est des choses qui sont assez compliquées à exprimer en quelques minutes. Vous ne pouvez pas faire une chose si ce n'est pas le temps. Alors, comment savoir que c'est le temps quand la chose se fait? Pouvons-nous précipiter le temps? Non. Une personne m'a dit, donc si je fais votre séminaire, j'avance pas plus vite? Non. Mais si je le fais pas, j'avance pas plus lentement? Non. À quoi ça sert de le faire? Ben, ça sert simplement que si tu le fais, c'est que c'est ton temps. Puis si tu le fais pas, c'est pas ton temps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'embarque dans un avion pour aller à Québec, moi-tu aller plus vite que si je vais en auto? Oui. Donc, je prends l'avion, moi, évoluer plus vite. Ou si vous aimez mieux, moi, me déplacer plus vite. Ça dépend. Si tu n'as pas à prendre l'avion, ça prend ton auto. L'idée, c'est que la personne, elle évolue à par comparaison. Et elle va se dire, une chance que j'ai fait ça, sinon... Non, ce n'est pas une chance que tu as fait ça. Tu n'as pas le choix de faire ça. C'est pas ça que tu as fait ça. Celui qui fait mon séminaire va plus vite qu'un autre qui ne le fait pas, peut-être. Mais en réalité, c'est faux. Alors, la personne va se dire, donc, si je ne le fais pas, je vais à la même vitesse. Non, tu vas à ta vitesse. Mais pas à la même vitesse. La personne qui dit, bon, ben, ça me tenterait de le faire, elle a le choix. Mais ce choix n'est pas un vrai choix. Mais elle a le choix. Elle est rendue où elle devra choisir et elle choisira ce qu'elle devra choisir. La personne qui veut refuser de la nounou, elle va dire, bon, ben là, je tenais. Donc, j'ai un libarbite. Non. Tu es rendu au point où tu dois la refuser. Alors, hey, tu vas la refuser. Si tu ne la refuses pas, tu vas avoir l'impression de ne pas la refuser, mais tu vas souffrir, souffrir, souffrir, jusqu'à l'écœurer de devoir souffrir, on s'en allait pareil. Alors, tu l'auras refusé. Tu ne seras plus bien avec. Il n'y a pas de destinée individuelle. Vous pouvez être où vous avez à être. L'important, c'est qu'il y aura des humains qui font des choses. Un jour, un bonhomme devait devenir le leader de l'Allemagne et conquérir, enfin massacrer une bonne partie de la planète. Qui devait faire ça? On s'en fout! Quelqu'un le fera. Le Christ a déjà dit que de grands malheurs vont venir, mais malheurs par qui ils vont venir? Alors, si ça doit absolument venir, pourquoi malheur par qui ça va venir? Pas de problème. Il y a des choses qui devront être faites sur la planète, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit vous qui les fassiez. C'est la même chose pour la nounou, le libarbite ou ces choses-là. Il n'y a pas de libarbite. La seule chose qu'il y a, c'est que des gens seront heureux, des gens seront malheureux. Vous pouvez choisir le bord où vous voulez être, mais vous n'empêcherez pas les gens d'être malheureux parce qu'il y a des gens qui devront être malheureux. C'est ça qui est, juste là qui est la nuance. Par contre, si vous voulez absolument empêcher ce qui doit être, vous allez être dans ce qui doit être. Vous voulez empêcher les gens d'être malheureux, vous serez malheureux avec eux. C'est simple. Les parents du prince peuvent-ils devenir des nounous empêchantes? Non. Mais le roi est tellement loin de vous qu'il va instruire la première nounou à vous dire que cette nounou-là, c'est votre mère. Alors, vous pourrez téter à son sein, vous aurez du fun avec, vous l'aimerez comme une mère. Et elle sera une mère, adoptive, mais une mère. Parce que sinon, recherchez votre mère tout le temps, alors que le peuple a leur mère à côté d'eux, ben, vous auriez de gros problèmes affectifs d'évolution. Mais lentement, on vous prépare et finalement, on vous remet à vos parents. Vous devenez vous-même vos parents. Pourquoi veut-il absolument que leur chien savant joue du violon si lui ne veut pas en jouer? Pour la simple raison qu'il veut en jouer. La nounou qui vous habite, l'antihomme, ne veut absolument rien savoir du violon et l'individu s'identifie totalement à son antihomme. C'est juste pour ça. On vous a envoyé en mission et vous avez accepté la mission. Et pour accepter la mission rendue dans l'autre pays, pour ne pas être repéré, vous deviez oublier qui vous étiez. Comme ça, on est sûr que même si on vous torture, vous ne le direz pas. Ça va vous garder en vie. Mais là, vous avez oublié. C'est bien fait, vous avez oublié. Et lentement, on va vous envoyer des petits messages pour que vous en rappeliez, mais lentement. Alors là, on vous envoie un petit message qui dit « Communique avec tel pays. C'est ton pays. » Ça ne t'intéresse pas tout. Comme tu joues dans la ligue de hockey de l'équipe de ce pays-là, franchement, commencez à... Mais lentement, on doit maintenant te réveiller. Alors, on communique lentement avec toi. Très lentement, pour pas que tu capotes. Hein. Et puis, lentement, lentement, ça va se réchauffer jusqu'à un doute majeur où tu ne sauras plus pas en tout où c'est que t'en es. De quel pays je suis? Ils disent que je suis un espion de celui-là, puis ceux-là, ils haïssent l'autre, tu sais. Puis moi, je suis... Bon. Et puis, lentement, lentement, lentement, ça va se réveiller. Pendant la période de dégel, eh bien, là, la partie qui est le codage pour que tu restes là, lutte contre la réalité qui commence à s'installer. Une secrétaire m'a dit, « Moi, je ne me pose pas de questions comme toi, je tape. » Mon antihomme a répondu dans ma tête, « Ça paraît. » Je sens que je suis cet antihomme que je dois l'être pour me respecter. L'antihomme a-t-il tout, toujours? L'antihomme est le problème évolutif chez l'homme. En même temps, il est sa solution. Il y a beaucoup de choses qui sont un problème et la solution. Le gars qui cultive le jardin, il est la solution du jardin. Quand il donne des coups de râteau sur ses pieds, il a un problème. Hein? Satan, c'est un problème. Quand il est rendu notre esclave, c'est plus un problème. Bon, on doit travailler. La personne, il dit, bon, l'autre, elle ne se pose pas de questions. C'est évident qu'elle ne se pose pas de questions et ça lui permet de pouvoir vivre une condition. L'autre réponse, ça paraît. Et ça, c'est de l'orgueil d'évolution, donc c'est sa partie anti-homme. La partie anti-homme, elle pourra jouer pendant longtemps. La partie anti-homme, c'est la copie conforme de ce que vous êtes dans les cieux. Et je répète, on a l'habitude de penser qu'une copie, c'est en deux dimensions. C'est la copie conforme sous tous les plans. Alors, nécessairement, vous aurez la puissance de vous prendre. L'antihomme aura la puissance de se croire en Dieu. Mais il pourra toujours constater dans l'expression de sa vie que ça ne marche pas. Il aura la puissance de penser qu'il aime et il pourra constater qu'il souffre d'aimer. L'antihomme, c'est la même chose ici. Il a l'illusion qu'il peut évoluer. Ce n'est pas lui qui va s'en sortir. La nounou, vous allez vous en occuper. Mais présentement, vous vous identifiez à elle. La majorité, pas tous. Jusqu'où vont les ordres? Qu'y a-t-il après? Les ordres vont jusqu'à l'extrême limite du ciel. Au-delà, ce ne sont plus des ordres, ce sont des hiérarchies célestes. J'en ai déjà parlé un peu, on va y revenir. Mais ce sont des choses qui ne nuisent pas à l'homme. Par contre, à l'intérieur de la mécanicité, de la copie de ces mondes, des cieux dans le ciel, il y a des ordres qui gèrent l'homme. À l'instant où vous allez placer la tête au-dehors du ciel, donc nécessairement vous allez être immortel, c'est-à-dire que votre âme va être suffisamment anégoïsée, suffisamment limitée, digérée, vous n'aurez plus d'orgueil, vous n'aurez plus de souffrance, mais vous allez avoir une conscience intelligente et instantanée, il n'y a plus d'ordre, vous allez régir le reste de votre corps, c'est-à-dire le reste de ce qui est dans les plans du monde de la mort. Et lorsque cela se fait, c'est une chose que j'explique souvent en séminaire, c'est qu'il y a des réincarnations qui sont plus réalitaires. Et l'être humain qui, de sa tête, traverse le ciel et rentre dans les cieux, parce que lorsque le Nazaréen a ouvert les portes du ciel, c'était pas pour qu'on y rentre, c'était pour qu'on en sorte. Et lorsque la tête sort du ciel, eh bien, il reste le reste du corps, et le reste du corps, vous allez peut-être constater que c'est réparti dans plusieurs autres humains, ce qui fait que de temps en temps, celui qui grimpe, ben, semble vouloir aider l'humanité, il ramasse simplement les parties de ce qui lui reste lui. Qu'y a-t-il après? Il y a de l'intelligence, il y a des mécanicités créationnelles, il y a de l'intentionnalité et il y a surtout la compréhension de tout ce que vous ne comprenez pas présentement et une vision globale de l'ensemble sur tous les azimuts de la création. Je n'en parle pas pour l'instant, c'est quelque chose que, bon, ça prendrait énormément de temps. Y a-t-il des ordres au-delà du plan terrestre? Il faut faire attention, au-delà du monde de la mort, donc au-delà du ciel. Non, au-delà du plan terrestre, oui, parce qu'il y a de l'astral et du monde de la mort à l'extérieur du plan terrestre. Mais ce n'est pas fabriqué par nous. On appelle cela un domaine extraterrestre, d'où peuvent provenir des êtres extraterrestres. L'évolution doit-elle être passive? Non. Vous devez vous forcer pour sourire. C'est pas passif. Bon. Passive, soit au fur et à mesure des événements, ou bien recherchée et passive. Si l'on se sert, si l'on en sent le besoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme doit parvenir à deux mots majeurs, à l'attente active. L'attente active, c'est ce qui permet à l'homme d'exprimer la volonté de ce que certains appellent son père, d'exprimer la volonté de l'intelligence, donc d'exprimer la réelle volonté qui vous habite, tout en n'exprimant pas la volonté de l'anti-homme, donc de l'ego, donc de toutes les sphères qui gèrent l'évolution de votre corps. J'ai déjà conté une petite parabole intéressante où un bonhomme cherchait son père céleste, puis il priait, puis il priait, puis il ne trouvait rien. Puis finalement, il se rend compte que ce n'est pas dans le ciel, c'est dans les cieux. Alors il cherchait son père dans les cieux, et puis il ne trouvait pas. Et puis un jour, en se promenant dans un dépotoir, eh bien, il tasse une vieille canne pourrie, et puis là, il découvre son père. Et puis là, il dit, « Père, Père, je veux faire ta volonté. » Alors, même dans un décan, dans un dépotoir, tu es prêt à... Ben oui. Alors, le Père répond, « Eh bien, que ta volonté soit faite. » C'est ce qui arrive, c'est ce qui va arriver à l'homme. Mais la personne doit suffisamment être anégoïque. Imaginez-vous, vous recherchez Dieu, et vous allez dans une église, dans un temple, vous venez ici, vous vous promenez partout, et puis à un moment donné, à côté, sur un trottoir, extrêmement puant, avec des verres extrêmement sur ses trois paires de culottes. Eh bien là, il y a un bonhomme qui tient une espèce de gamelle, avec une main poignée de gangrène, et puis qui vous demande de l'aumône. Et puis vous, vous regardez ce débris, et puis vous continuez. Mais l'être humain recherche Dieu. Il recherche l'image qu'il a de Dieu, et l'image qu'il a de Dieu est une image archétypale, engendrée par les ordres, de façon à ce que vous puissiez plus facilement personnifier Dieu. Si je dis que Dieu est un état et non pas une personne, ça complique les choses. On ne peut pas le rechercher. On ne peut que le devenir. Mais étant donné que l'humain est bâti avec un stéréotype de ce que ça devrait être Dieu, hein, nécessairement, quand on a une chandelle allumée puis qu'on cherche du feu, ben, si on sait c'est quoi le feu, c'est plus facile. Je commence à prendre goût de faire des choses que m'interdit mon anti-homme. Merveilleux. Est-ce procéder de la bonne façon pour m'anégoïser? Ben oui. Sinon, quelle serait la bonne façon de procéder? Ben, continuez. Puis quand tu prends goût, essaie de ne pas le faire. Puis si tu ne peux pas ne pas le faire, fais-le pas. C'est l'anti-homme qui t'a récupéré. Hier, tu as dit qu'une personne qui évite le monde de la mort se réincarne une dernière fois. Pourquoi? Parce que par la suite, elle est immortelle. C'est Grégoire qui pose ces questions. Je réponds brièvement à Grégoire. On doit s'identifier. Serait-ce plus ajusté de répondre à une personne qui me demande mon nom? Son nom est non. Non. On doit s'identifier par rapport à soi. Quelqu'un qui demande bonjour, votre nom c'est? Puis moi je réponds, bien son nom c'est Daniel Kim. Et la personne va dire, oui, entièrement d'accord. Oui, et votre nom vous? Ce que je te dis, son nom c'est Daniel Kim. Et là on recherche les problèmes. C'est plus facile de dire, mon nom c'est Daniel Kim. Même si ce n'est pas vrai. Quel ordre peut régir l'humain pour surmonter l'alcoolisme? Bon, l'alcoolisme, c'est un moyen que les ordres ont instauré pour permettre à beaucoup d'humains de vivre mieux, vivre plus heureux, vivre plus riche, avoir une meilleure famille, avoir un meilleur emploi et moins souffrir. Ça sert à ça l'alcoolisme. Le problème, comme dans bien des cas, celui qui est alcoolique, c'est lui qui paye pour que les autres soient mieux. Comme certains drogués, supporte un karma collectif. C'est pourquoi d'ailleurs les sociétés s'en occupent. Qu'est-ce que la personne doit faire pour se débarrasser de l'alcoolisme? C'est important. Si la personne, elle me pose la question pour un alcoolique, elle ne pourra pas lui expliquer. Si la personne est là, le problème de l'alcoolisme, elle pourra peut-être comprendre. La personne, elle doit nécessairement supporter, il y a une raison fondamentale pourquoi elle boit. Et on pense souvent que l'alcoolisme devient une maladie corporelle. À très, très, très, très long terme, oui, mais c'est une maladie de l'âme, une maladie de l'anti-homme, une maladie de la lutte entre l'anti-homme et l'intelligence qui descend dessus. Les alcooliques ne sont pas des fous. Par contre, leur corps physique est suffisamment alcoolisé pour que l'expression de Dieu qui s'exprime à travers eux ne soit pas ce que de plus génial. La personne, elle doit apprendre à supporter l'ignorance qui l'habite. Elle doit apprendre à poser des questions et à supporter de ne pas avoir de réponse. C'est une désintoxication qui se fait lentement. Et la personne, elle va donc devoir se désassujettir d'un ordre qui t'interdit simplement de poser des questions. Et la personne, elle va dire, oui, mais j'ai jamais posé de questions. D'accord. Mais elle a eu conscience de certaines choses à un moment donné qui l'ont fait paniquer. Et l'alcool est l'un des plus grands moyens pour rester assujetti à l'évolution collective et nécessairement à ne pas fêter. Même si bien souvent on pense fêter que l'alcool, en réalité, c'est l'antihomme qui fête. Il vous garde. Comment aller contre la maladie si la maladie en a décidé autrement, même si on lui a ordonné mentalement de quitter le corps? L'énergie mentale n'ordonne pas à la maladie. L'énergie vitale ordonne au corps, et le corps n'est pas malade. L'énergie mentale doit ordonner à l'énergie astrale. Et l'énergie astrale doit ordonner ou coordonner l'énergie vitale, et vous ne serez pas malade. Le problème, c'est que si l'énergie astrale est régie par la nounou, par l'antihomme, par l'orgueil, par l'ego, par la colère, par le prise au sérieux, par un paquet de choses comme ça, eh bien, il prend tellement d'énergie vitale dans le corps physique que le corps n'a même plus de capacité pour résister à la maladie, alors il est malade. Et là, le mental, là-dedans, le mental, il dit, « Je refuse la maladie. » Et la maladie répond, « Pas de problème, le mental, t'es pas malade. » Le corps physique, c'est autre chose. Bien souvent dans la conscientisation, l'homme divise trop ses corps. Moi, j'habite un corps physique, oui. Mais lorsque je parle à mon corps physique ou lorsque mon corps physique me parle, je m'identifie au corps physique, c'est-à-dire que je dois devenir suffisamment astralo-émotif pour comprendre le corps. Si je vibre émotivement la raison intelligente d'être en santé, je ne pourrai pas être malade, ce sera impossible. Le mental, il ordonne le mental, c'est très intéressant. Pourquoi l'intelligence a-t-elle besoin de colère mentale au lieu d'agir toute seule? L'intelligence n'a pas besoin de colère mentale, absolument pas. L'être humain qui doit entrer en contact avec une divinité doit nécessairement finir par haïr tout ce qui ressemble à la divinité. C'est simple. Tout ce que vous pensez être parfait du monde, dans le monde de l'homme, ça doit vous dégoûter à un point tel qu'à un moment donné, vous allez entrer en contact avec la réalité. Donc, l'illusion doit vous puer au nez à un point tel que vous allez vous réveiller. Alors, c'est pourquoi, bien souvent, je dis que l'être humain doit être écœuré d'être écœuré. Mais il ne doit pas se suicider. Pourquoi une colère mentale? C'est pas l'intelligence qui fait la colère mentale, c'est l'homme qui fait la colère mentale de façon à tasser autour de lui les choses qui lui nuisent. Et là, l'intelligence qui reste, bien, elle est plus facile à découvrir. Et elle s'exprime. Pourquoi parlez-vous tant des sectes? Merci. Je ne parle pas tant des sectes. J'ai dit, je parle autant de sectes que je parle de Dieu, que je parle de l'homme. Et ce soir, j'en parle un petit peu plus. Pourquoi? Parce que dernièrement, il y a eu une campagne de salissage contre beaucoup de sectes. Et le problème, c'est que, je l'ai expliqué un peu à la radio hier, c'est qu'on ne voit la secte qu'à partir de son point de vue à soi. Et on attaque des degrés qui ne me servent pas, qui ne m'ont jamais servi, qui ne me serviront jamais, qui peut-être ne vous ont jamais servi, ne vous serviront jamais, mais qui aident d'autres humains. Alors, regardez ceci. Éliminons l'alcoolisme de dessus la planète. Et on sera tous malheureux. Or, ça paraît bizarre. Alors, pourquoi lorsque l'humain a toujours tout fait pour régler un problème, une maladie karmique, il la réglait, et un autre apparaissait? On règle une chose, une autre chose apparaît. Parce qu'on ne comprend pas de quelle façon est régie la structure karmique, la structure, on peut appeler ça purgatorielle, dans l'évolution de l'homme. Il y a des mécanicités qui sont essentielles pour permettre à celui qui n'a pas encore suffisamment de conscience pour être conscient qu'il n'a pas de conscience, d'arriver à se réveiller. Et nous qui avons la conscience, nous voulons démolir les choses parce qu'elles semblent nous nuire. Quand vous marchez dans la rue et qu'il y a une flaque d'eau, elle semble vous nuire. Si vous faites le tour et vous continuez, jamais elle ne vous ennuie. Elle vous offre un peu plus d'exercice, c'est tout. Mais là, la grenouille qui est dedans, elle a besoin de l'eau. L'enfant qui passe et qui va tout jouer là-dedans, il a besoin de l'eau. Ôter la flaque d'eau à un enfant, c'est comme ôter la femme à l'homme, hein, ou l'homme à la femme. Il a besoin de boue, il a besoin de rentrer sale. Ah, c'est intéressant. Si vous n'êtes pas humain, je suis sûr que vous êtes extraterrestre. Je nous sommes tous extraterrestres. Sauf que notre connaissance, notre science, notre savoir est transformé par le phénomène terrestre, par le phénomène terrestre. Lentement, lorsque l'être humain grandit, il se déconnecte de la nounou, du maître d'armes, donc de ce qui, au niveau des ordres, le dirige, pour entrer en contact avec quelque chose qui n'est pas planétaire. Et là, sa conscience devient extraterrestre. Il n'a plus une conscience terrestre, il a une conscience extraterrestre. Mais il est un terrien, à conscience extraterrestre. Ça n'a foutrement rien à voir avec les bidules extraterrestres qui se pointent de temps en temps pour venir voir s'ils peuvent piquer vos corps physiques parce qu'ils ont besoin de vos génétiques. C'est la seule façon qu'ils connaissent pour cesser d'évoluer, d'involuer, c'est de tomber sur un être humain qui y va, qui monte. Alors là, ça va bien. Vous tombez en chute libre, puis vous voyez quelqu'un qui monte avec un ascenseur, bien, si vous accrochez avec, vous aurez moins à aller vous aplatir en bas. C'est le phénomène extraterrestre. Non, je suis peut-être un terrestre extra, mais je ne suis pas un extraterrestre. D'où prenez-vous l'information? Répondez, s'il vous plaît. Très intéressant. S'il vous plaît veut dire si ça me plaît. Bon. Et répondez veut dire même si ça ne te plaît pas. Ça, c'est le phénomène de l'anti-homme. Quand je parle de l'illusion et du mensonge cosmique, c'est le même phénomène. Lève-toi, s'il vous plaît. Avec s'il vous plaît, il n'y a pas le choix. Mais s'il vous plaît, c'est si ça te plaît. Mais c'est plus ça que ça veut dire. Alors, parce que je te donne le choix, tu dois te lever. Un exemple, vous allez à la fête de quelqu'un et la personne va vous répondre « Ah, ça me fait plaisir que tu sois là. » Ben, c'est ça, tu es là pour l'autre. Mais si tu réponds « Moi aussi, ça me fait plaisir. » Ben, c'est ça, tu es là pour toi. Quand une personne, vous rentrez, vous êtes un nouvel employé quelque part, et le gérant vient vous dire, « Ah, ben ça me fait plaisir que je travaille avec nous autres. » Vous devriez dire, « Maudit hypocrite, maudit égoïste, plutôt. » Ça, lui, ça lui fait plaisir. Et on pense que si vous faites plaisir à quelqu'un, vous pensez que c'est bien agi. Et toute la structure de l'illusion est bâtie là-dessus, ce qui fait qu'on est continuellement voué à se faire manipuler. S'il vous plaît, ça veut dire que tu n'as pas le choix. Je ne dis pas ça pour parler contre la personne. J'en profite, j'explique un phénomène où on vous manipule souvent. Et bien souvent, on va dire ça qu'il y a une personne avec. Oui, mais je te l'ai demandé poliment. C'est une raison. Si tu me l'as ordonné poliment, tu devrais dire d'abord. Hein? Quand on demande poliment, c'est un ordre. Pour d'où prenez-vous l'information? L'information, je la prends là où elle se trouve. L'information, c'est... Voyez-vous, c'est que chaque personne a une génétique particulière et un karma particulier. Alors, à un moment donné, à travers son évolution, à travers les temps, parce que vous ne savez pas quel âge que j'ai. Bon, physiquement, j'ai un certain âge, mais vous aussi, c'est la même chose. Et l'information, elle provient de où? C'est qu'à un moment donné, l'information qui a toujours descendu à travers certains canaux retrouve, lorsque c'est le temps que certaines choses se passent, retrouve certains canaux au niveau biologique et elle se retransmet par ce canal. Et lorsqu'on ne résiste pas trop au canal, eh bien, on devient le canal. Un exemple, on revient avec la Rolls-Royce et la Lada. Des êtres humains devront être intelligents. Qui? On s'en fout. Et plus vous allez lutter contre ce qui n'est pas intelligent, plus l'intelligence qui est intelligente va simplement vous donner la tâche. C'est très économique que de donner le phénomène de la conscience à celui qui a suffisamment de simplicité pour être conscient. Je prends l'information de ce que vous appelleriez le Père, le Dieu. Je prends l'information de ce que moi j'appelle moi. Bon, on prend l'information là où elle se trouve. C'est plus simple comme réponse. Daniel, définit la centricité où y a-t-il une cassette en référence? Dans les conférences du mois, je ne connais pas les titres des conférences du mois, il faudrait se renseigner possiblement à Micheline. Est-ce que l'homme peut créer... Je ne sais pas lire, là. L'homme ne peut pas créer. Qu'est-ce qui, dans l'homme, peut créer exclusivement l'intelligence dans l'homme? C'est-à-dire que tant qu'on est manipulé par l'illusion, par le désir, par ce que vous appelez l'être humain, qui est en réalité surtout un animal humain, on ne peut pas créer. On peut prendre un arbre et en faire une maison, mais on ne peut pas créer l'arbre, sauf que ça se crée un arbre. À un moment donné, l'être humain, donc vous allez avoir la faculté d'avoir, vous ne créerez pas un arbre pour faire une maison, vous allez simplement pas besoin d'avoir de maison. Ce qu'il faut comprendre, une chose, c'est que penser que l'intelligence est intelligent et écologique, donc ça sauve de l'énergie. Si moi, je serais un représentant de l'intelligence sur la planète et qu'une personne viendrait me voir et me dirait « Peux-tu t'arranger pour que plus jamais on aille froid? » Je répondrais « Oui, achète-toi une chaufferette. » Et là, on va dire « Oui, mais c'est pas intelligent, ça. Si tu serais Dieu, ben tu t'organiserais pour que ceux qui ont besoin d'avoir froid, les animaux qui sont bâtis pour avoir froid, et toute la condition écologique que ça génère, les peuples qui ont toujours chaud sont moins avancés technologiquement et évolutivement que les peuples qui sont obligés de lutter contre le froid. » Alors, je créerai un maudit problème. Une personne va dire, est-ce que tu es capable de ne jamais manger? Je peux dire oui. Mais il y a un problème, c'est que si je vis avec des gens, c'est préférable que je mange. Comme ça, je n'aurai pas de problème. On a une idée très, très, très, très manquée de ce que peut être l'économie d'énergie. Est-ce que on va parvenir un jour à être capable de perdre un bras puis de le refaire pousser? Comme le crabe, comme certains insectes. On n'arrivera jamais à ça. Jamais. Pour la simple raison que c'est plus intelligent et économique en énergie que vous ne perdiez pas votre bras. Alors jamais vous n'aurez la jouissance égoïque ou anti-hum de voir votre bras repousser. Parce que si vous êtes rendu à un niveau où il pourra repousser, il ne tombera simplement pas. C'est plus simple. Mais nécessairement, l'humain va dire, « Ouais, mais j'évolue pas. Hein? » J'explique ça à un moment donné à des gens qui ont fait le séminaire. Tu t'en vas à la guerre, et puis toi, tu ça explose à côté de toi, puis les morceaux te manquent. Tu te fais faire prisonnier, tu t'échappes. Quand on vient pour te fusiller, ben là, il y a un tremblement de terre. Puis tu sors, puis il t'arrive à rien, tu n'as pas été initié. La vie est plate. Tandis que l'autre, lui, on l'a torturé, on l'a voulu le fusiller, mais on l'a blessé, puis on le pensait mort, puis il n'est pas mort. Ah, lui, il a évolué. Lui, il a vécu une initiation. Moi, personnellement, moi, j'aime autant que tout me manque. C'est plus simple. Alors, on recherche la complexité, même dans l'évolution vers la simplicité. Moi, j'aimerais avoir une simplicité, là, bien compliquée. Mais non. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Matériel spirituel, c'est un fait et c'est vrai. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Nuance, tout ce qui est en bas n'est pas ce qui est en haut. C'est une copie, une illusion. Jésus Nazaréen a dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est vrai. Le Christ n'a jamais dit ça, le Nazaréen n'a jamais dit ça, et Jésus a dit ça. Alors, à un moment donné, l'intelligence qui habite le corps de Jésus christifie le corps de Jésus et en fait Jésus-Christ, initiatiquement appelé le Nazaréen. Lorsqu'il est sur la croix, le Christ quitte le corps et il reste quoi? Il reste l'ego expérientiel de Jésus qui, là, se rend compte que le Christ est parti. Puis c'est lui qui dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Bon, ils vont se retrouver à un moment donné, plus tard dans le temps. « Père, je remets mon âme entre tes mains. » Pas le choix. Là, c'est encore une fois Jésus qui remet son âme, c'est-à-dire toute la personnification expérientielle de la naissance aller jusqu'à la contact fusionnel avec le Christ. Et ce phénomène-là est, selon une promesse faite par l'intelligence à Jésus, placé dans le plan moronciel. Ça se réincarne quelques milliers d'années plus tard. Pourriez-vous parler du mystère de la croix et du Nazaréen? Bon, ben, j'ai un peu d'en parler, ça donne. J'ai fait une conférence sur ce que le Christ n'a pas dit. On peut s'y référer. C'est sans doute la meilleure chose. Si on a le temps, on pourra revenir un petit peu, mais je ne crois pas. J'ai une bonne santé morale et mentale, mais je m'ennuie d'être pris par le pouvoir de l'argent. J'aimerais vivre à l'extérieur de Montréal, je ne suis pas sûr d'un revenu. Que faire? Se brancher. Vous savez, je ne suis pas un maître et je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Par contre, lorsqu'une personne pose une question très ajustée, on peut arriver à confirmer. Être pris par le pouvoir de l'argent, je peux être millionnaire et être libre de l'argent. Je peux avoir 50 piastres et être bien pogné. Je peux être millionnaire et être bien pogné. L'argent, c'est de l'énergie. Pensez à cela, c'est de l'énergie. Il y a une conférence, je ne sais plus quand, sur l'énergie financière ou monétaire. On va en parler un peu plus et on va peut-être expliquer ce genre de choses. Mais c'est un problème majeur, sauf que celui qui évolue a besoin de temps. Et seul l'argent donne le temps. Sinon, tu n'auras rien matériellement et tu ne pourras pas acheter les livres que tu veux, te payer les cours que tu veux, voyager sur la planète. Vous savez, on revient encore au phénomène des sectes ou des écoles de croissance. Bien souvent, les gens se disent « Oui, mais ça coûte tellement cher. » Bien, faites-vous opérer, ça va coûter combien? Allez voir des spectacles, ça va coûter combien? Abonnez-vous au forum pendant un hiver, ça va coûter combien? La seule chose qu'il y a, c'est que si vous travaillez sur vous, quelle que soit l'école de croissance, même si elle vous vole, vous allez au moins apprendre à ne pas vous faire voler. Dans 70 ans d'ici, il va rester encore vous. Il ne reste rien du hockey. Et si on a à passer par là, l'argent nous tombe dans les mains. C'est tellement plus facile. Mais c'est ce qui arrive aussi. Je dois baser mon année sur mon travail régulier. On m'offre 11 $ de l'heure, le quart. 11 $ et les quarts sont de 12 heures. 7 heures, sans doute, c'est drôle, c'est un bon gardien de sécurité, ça, payé de même. 7 heures le soir, tous les matins, blablabla, et puis je le faire sans nuire à ma santé. Ben, c'est évident, 16 heures à faire avec ça, puis fais-le. La santé en souffrira pas. Voudrais-tu expliquer les relations entre Yahvé, Jéhovah, Satan et Lucifer? J'ai un peu expliqué, si on a le temps, je reviens. Que voulez-vous dire lorsque vous dites qu'il y a des entités qui parcourent la Terre? La personne m'a posé la question hier, voilà, pour faire progresser le mécanisme d'évolution de l'homme par rapport à l'apocalypse, si c'est inévitable. Pas de bonheur sans souffrance, ça revient à cela. Pas de bonheur sans souffrance, donc pas de bonheur pendant tout. J'ai jamais vu quelqu'un, moi, qui était heureux et qui souffrait. Les entités qui se promènent sur le plan planétaire, ce sont des personnalités qui ne sont pas encore intégrées au monde de la mort. Donc, lorsqu'une personne très avare meurt, elle va, avec son âme, rester attirée par ce qu'elle a connu parce qu'elle ne veut pas le quitter. Et elle ne veut pas aller dans le ciel, donc dans le monde de la mort, ce qui engendre certains phénomènes de fantômes. Et on parle souvent des fantômes en Écosse. Les Écossais ont été dans une époque très pognée par l'avarice. Alors, nécessairement, ils restaient dans leur château, dans leur matière, qu'ils ne voulaient pas quitter. Plus une personne est basse en vibration, donc une personne qui est totalement imbibée d'alcool ou de drogue à l'année longue, donc toute sa vie, elle restera aussi dans une phase très infernale où elle voudra posséder la matière, mais où elle ne pourra pas goûter parce qu'elle n'a plus de corps, où elle verra simplement les autres prendre ce qu'elle a. Il y a d'autres formes d'entités qui sont des entités du monde de la mort, d'un monde parallèle, qui entrent intimement en contact, on va parler des mondes parallèles de toute façon très prochainement, qui entrent en contact avec le monde parallèle qui habite l'homme, l'âme, et qui, donc, se promènent non pas dans la matière vitale ou matérielle, mais dans le monde de la mort. Et le monde de la mort entoure totalement le monde de la matière. Ces entités se promènent sur la Terre, soit dans le but de manipuler. Ce sont des expressions de certaines choses refusées par l'homme. L'île de Pâques servait à protéger la capitale du Tibet, contre certaines de ces entités-là. Et maintenant, elle ne sert plus à ça, parce que de toute façon, elle ne sert plus à l'Assa, ni à ça, oui, bon. Et là, il y a d'autres formes d'entités qui se véhiculent, qui sont totalement ce qu'on peut appeler démoniaque ou satanique. On va y revenir prochainement avec sur ces phénomènes-là. Alors, ces entités n'ont pas comme but de nuire à l'homme. Elles ont comme but de devenir des hommes. Le problème, c'est qu'elles s'accrochent à l'homme, et s'accrochant à l'homme, elles montent en vibration et elles baissent l'homme. Et du point de vue de l'homme, c'est nuisible. Que pensez-vous du livre des grands maîtres de Spalding, M. Spalding? Je pense qu'il est bien relié. Et l'ultime parole de Colombelle, c'est la même chose. Êtes-vous d'accord avec ce qu'ils ont écrit? Ce n'est pas important que je sois d'accord ou non, l'important, c'est ce que vous allez en tirer. Comment se défaire de l'anti-homme? En continuant à faire ce que vous faites. Je suis une femme, c'est pas grave. Et je me demande ce que je devrais faire. J'ai envie de l'intérieur de me reproduire enfin, mais dans les conditions sociales et économiques et ma descendance, il y a beaucoup de suicides dans les générations du passé. J'ai déjà eu 3 avortements par séparation. Bon, la personne, elle doit encore une fois attendre un peu, c'est-à-dire que, voyez-vous, il y a des questions comme ça ici que je ne réponds pas. Savez-vous pourquoi je ne réponds pas? Parce que je vais nuire. Par contre, je peux répondre. Comment? En instruisant une mécanique. Et à travers la mécanique, vous comprendrez ce que vous avez à faire. Mais je ne peux pas vous dire ce que vous avez à faire si vous ne comprenez pas la mécanique. Parce que là, je vous rends esclave de moi, ce qui n'est absolument pas quelque chose de brillant. Je reviens ici, je ne veux pas frustrer la personne. Si elle est frustrée, c'est parce qu'elle a encore un petit bout de chemin à faire. Que pensez-vous du livre Les Grands Maîtres? Je dis à la personne, lisez-le et décidez vous-même. Si la personne, elle comprend toute la mécanique qui peut entourer ces phénomènes-là, alors là, elle aura la réponse. Je peux lui expliquer la mécanique qui entoure, mais je ne peux pas lui dire ce que je pense du livre. C'est la même chose pour les autres phénomènes. Bon, je suis une femme, etc. Je ne veux pas avoir d'enfant, mais j'aimerais ça. Qu'est-ce que je devrais faire? Il y a des raisons cosmiques qui font que les femmes ne veulent pas et les hommes d'avoir d'enfants. Il y a des raisons cosmiques qui font que certains en auront quand même. Il y a des raisons cosmiques qui gèrent différentes choses. Lorsque l'individu comprend toute cette mécanique, elle ne me pose pas cette question. Elle sait. Moi, j'aime autant qu'on me dise, qu'on me pose comme question, pourquoi y a-t-il tant de personnes qui veulent avoir des enfants, mais qui en même temps ont l'impression que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le temps? Y a-t-il une raison intelligente là-dessous? Ah, là, vous me faites parler. Là, je vais y aller. Mais que dois-je faire si... Non. Non. Je ne réponds pas à ça parce que je vais rendre la personne esclave. Tout à l'heure, on me posait la question, le séminaire. Bien, le séminaire, c'est ça. C'est qu'on développe un paquet de choses selon les questions personnelles des individus. Mais pas dans le sens, moi, j'ai plus de job, je vais faire quoi? Mais moi, je réponds, trouve-toi-en une. Tout. Maintenant, y a-t-il des mécanicités intelligentes pour permettre à un être humain, finalement, d'évoluer tout en ayant un bon emploi? Oui, il y en a. Tu peux être dans les chômeurs ou dans les travailleurs. Tu peux. Alors là, maintenant, moi, je prends mon tableau, puis je commence, puis j'y vais. Là, oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Bien, observe ce qui se passe, là. Maintenant, tu as de quoi pour comprendre, puis décide. Tu dois rester ton seul maître. Quand on te prête des jumelles pour voir, c'est correct. Mais décide. Pourriez-vous expliquer le phénomène marial? Bon, j'ai déjà expliqué énormément ce phénomène souvent, et j'ai même parlé, je ne me souviens plus combien, de 15 ou 20 apparitions mariales, phénomène de Marie. Si on a le temps, je repasse. L'âme est mortelle. L'âme est immortelle. C'est-à-dire que l'âme ne meurt pas. Mais elle n'est pas éternelle. C'est-à-dire qu'un jour, elle ne sera plus là. Elle n'est pas morte. Mort fait référence au monde de la mort. Dans le monde de la mort, l'âme vit. Elle est morte par rapport à la réalité. Alors, l'âme est immortelle et quand on dit qu'on doit sauver son âme, c'est encore un phénomène relié aux ordres. Et l'anti-homme veut préserver sa vie et c'est pourquoi on est instruit de sauver son âme. Vous savez, la théologie, elle dit quoi? Elle dit tu dois adorer ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et on parle juste de l'âme. Puis l'esprit, lui. L'esprit, on va dire, « Hey, j'ai vu un esprit dans la maison. » Ça, c'est un fantôme. C'est de l'âme. Pas un esprit. « Ah, il fait de l'esprit. » Il est comique. Mais non, c'est pas ça pantoute. Il est malade de l'esprit. Pas ça pantoute. Sauf que l'âme s'est organisée pour que, même si dans les livres sacrés, on ne peut pas compter de menterie, on n'a pas tout dit, et finalement, on veut sauver son âme. L'âme est mortelle. Non, l'âme est immortelle, mais elle n'est pas éternelle. Seule la matière est mortelle parce qu'elle est finie. Tout est déjà accompli. Or, l'âme n'est pas matérielle. Ça dépend des points de vue où on se place. Dans la matière amique, c'est très matériel. Si j'ai bien compris, elle serait la copie du corps. L'âme n'est pas la copie du corps. Elle a une forme plus ou moins similaire. L'âme, c'est la copie de tout ce que vous êtes au-delà du monde de la mort, donc au-delà du ciel, donc dans les cieux. L'âme, c'est exactement... Vous êtes un petit bébé et on vous donne une couche brodée d'or. Alors, ça fait juste vous rappeler que vous êtes royal. Mais la couche, c'est la même chose. Ça va contenir les mêmes affaires que tout le monde. Mais ça fait qu'on vous rappelle que... On vous achète un jouet, puis c'est écrit dessus « Roi ». C'est l'âme. Juste pour vous rappeler ce que vous êtes. Mais le jouet est comme tous les jouets de tout le monde. Pour pas qu'à l'âge de 3 ans, vous commenciez à donner des ordres. Vous n'avez pas la conscience d'ordonner convenablement. Alors, on fait juste vous rappeler que vous l'êtes, mais on s'arrange pour que vous ne le sachiez pas trop. L'âme, c'est la copie des mécanicités des cieux. L'intelligence entre deux personnes va-t-elle préserver de préférence celle qui supporte le plus d'intelligence ou si elle va laisser faire le hasard? Le hasard n'existe pas. L'hasard, oui, pas le hasard. L'intelligence entre deux personnes va-t-elle préserver de préférence celle qui supporte le plus d'intelligence ou celle qui va laisser faire le hasard? Non. Plus vous allez être capable de supporter de l'intelligence, plus vous allez être connecté de l'intelligence et donc être connecté dans votre intelligence. Qu'est-ce que c'est supporter de l'intelligence? Je l'ai déjà dit. Être capable de supporter du neuf sans être content. Si on supporte du neuf puis que nécessairement on s'en vante, on supporte des mémoires neuves, mais on ne supporte pas d'intelligence. L'intelligence descend et elle va prendre la plus apte, la plus disponible. C'est tout. La plus disponible. La personne qui dit, ah ben moi les secs, les ci, les ça, tanné, je reste chez moi, je lis même plus de livres, tiens, je lis le TV Hebdo, c'est tout. Elle n'est pas disponible. Celui qui se promène partout, il peut se faire avoir souvent. Sauf que si l'intelligence décide d'aller chercher quelqu'un qui se promène, mais quelqu'un qui a une affinité à attirer de l'intelligence, bien, est-ce qu'on ne sera pas à tête et il n'ira pas réveiller le gars qui lit son TV Hebdo? On va aller chercher celui qui lit la Bhagavad Gita ou la Bible, ou un livre d'ésotérisme, Alice Bailey, ou d'autres. C'est tout. Elle va chercher celui qui est disponible. On ne rentre pas dans une secte pour se vouer à la secte de A à Z. On doit toujours avoir une foi visible, une foi qui voit clair, jamais une foi aveugle. On doit toujours avoir le doute. Et c'est ça, être disponible. Je ne m'identifie plus à moi, à mon corps. À présent, c'est clair, je n'ai plus pour tout. Je n'ai plus peur du tout de mourir. Ça me laisse même très gai d'y penser. C'est même tout ce qui me rend heureux. L'intelligence empêcherait-elle un suicide ou non? Si c'est non, je m'en fous. Comment peut-on prendre en main son évolution ou comment changer de main de maître d'armes, ce qui implique une décision de notre part, si un libre arbitre n'existe pas? Le feu prend dans la pièce. Il y a deux portes, deux sorties. Le feu est pris sur la plateforme. Moi, je suis plus là. Et le feu, lentement, se dirige vers vous. Vous avez juste assez de conscience pour lire les mots sortis et penser que c'est une sortie. Parce qu'il y a des gens qui vont le lire, mais qui ne le penseront pas. Ceux qui se gorgent d'un garde-robe, c'est ce qui arrive. Ici, il n'y a pas de garde-robe. Alors, vous allez vous diriger vers les portes. Pourquoi? Parce que vous êtes intelligent. Parce que vous avez de la conscience. Mais si vous avez de la conscience, allez-vous quand même prendre le garde-robe? Non. Parce que vous avez de la conscience. Alors, même si on est conscient, on n'a pas de libre-arbitre. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. La personne, elle va dire, « Ben moi, là, j'ai du libre-arbitre. Je sais que c'est la sortie, mais je passe quand même dans le mur. » Vous ne ferez pas cela. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas le choix d'appliquer l'intelligence si vous êtes intelligent. Tout ce qu'il y a, c'est que vous ne pourrez pas vous vanter d'avoir pris la bonne décision. Vous ne pourrez qu'exprimer l'intelligence. Mais simplifiez-vous donc la tâche. À la radio, on me disait, on parlait des sœurs à un moment donné, des mères de famille, puis c'était bien plus méritoire d'être mère de famille. C'est pas le mérite qu'on doit chercher, c'est la simplicité. T'es passé par la sortie, t'as pas de mérite. Ah, tu as du mérite, c'est pour ça que je te visite à l'hôpital. Tu as défoncé un mur à coups de hache pendant que le feu te brûlait. Puis une chance, quand le manche était tout consumé, il y avait juste un trou assez gros pour que tu sortes. Tu as du mérite, mon ami. Là, il faut que je te laisse, je m'en vais voir un film avec ma femme. Tu as du mérite. L'antihomme a besoin de ce mérite parce que l'antihomme, c'est la seule chose qui lui permet de comprendre que c'est lui qui décide. C'est simple, hein? On vous montre une carte et on vous dit, tiens, tu as soif, faut boire de l'eau, tu t'en vas là, tu tournes à gauche, à droite, il y a un escalier, puis tu arrives à l'abreuvoir. La personne, elle se dit, ouais, mais il y a comme un labyrinthe à côté, tu sais, j'aimerais ça le coller en même temps. Le gars m'a dit ça, moi, je suis pas manipulé, je prends le labyrinthe. Aucun problème, prends le labyrinthe. T'es manipulé par l'anti-manipulation, tu prends le labyrinthe, puis quand tu arrives à l'abreuvoir, ben, t'es déshydraté à un point tel que tu dois boire l'eau tout au bout du fleuve. Vous savez, c'est quoi ça simplifie la tâche? C'est de ne pas avoir besoin d'avoir raison. C'est surtout de ne pas avoir besoin de marcher seul. Être son seul maître, ça veut dire que c'est nous qui allons discerner ce que nous allons appliquer de ce que nous n'appliquerons pas. Mais ça ne veut pas dire que je suis mon seul maître, ce qui fait que je lis plus de livres. Je mange même plus ce qu'on veut me vendre. Ah non, on annonce bol et pinot craft, je n'achète plus, on l'a annoncé. Pas ça être son seul maître, tiens, amplifiez-vous la tâche. Tu rentres dans les magasins, puis t'es manipulé que t'achètes bol et pinot là. Casse-toi pas la tête, achète-le donc, bien plus simple, va-t'en avec. C'est simple. Sauf que quand tu décodes certaines choses, tu fais le discernement. Alors, vous n'aurez plus peur des sectes, parce que les sectes ne seront pas une secte. Vous allez rentrer là-dedans, puis ça vous vaut pas, vous allez sortir. Alors, on s'en va chez soi, on s'amuse, il y a une bonne vue demain soir. À la prochaine!